Bon, merci à tous d'être là, et puis merci à mes co-organisateurs, dont Virginie, pour ce beau colloque. Le 2 octobre 1910, Victor Augagneur organise à Lyon un banquet républicain, avec seulement 430 convives au lieu des 800 qui étaient attendus, et les désistements de dernière minute de nombreux invités, dont le maire de Lyon, Édouard Herriot. Le banquet est un échec. Victor Augagneur est revenu en 1909 de Madagascar, dont il était le gouverneur depuis 1905. Il a été maire de Lyon de 1900 à 1905. C'est un socialiste indépendant, je dis lui-même socialiste autonome. Il a été brièvement membre du Parti socialiste français, mais opposant à la création de la SFIO. Et il avait été élu à la tête d'une coalition de blocs des gauches et mené une politique assez ambitieuse de socialisme municipal. Mais son autoritarisme, qui lui vaut le surnom de l'empereur, la radicalité de certaines de ses mesures et son opposition à la création de la SFIO que j'évoquais, lui valent une impopularité croissante, qui explique que malgré sa réélection en 1904, il accepte à l'automne 1905 le poste de gouverneur général de Madagascar et pousse pour lui succéder à la mairie la candidature de son jeune adjoint radical socialiste, Édouard Herriot, qu'il pense promis à une brillante carrière universitaire qui devrait le mener en Sorbonne, et qui ne devrait pas s'éterniser à Lyon, et qui pourrait donc lui laisser la place à son retour de Madagascar. Pourtant, au retour de Gagneur, Herriot est bien installé dans son rôle de maire. En quelques années, il a su s'imposer comme la principale figure de la gauche sociale et laïque du département. Il a été réélu en 1908 face à d'anciens proches de son prédécesseur, et il est en passe d'unifier les deux fédérations radicales du département du Rhône, historiquement divisées, en remodelant donc peu à peu à sa main la gauche du champ politique lyonnais, tout en ménageant les sensibilités de la droite, des droites, ce qui lui vaut une bien moins mauvaise réputation qu'Augagneur. Augagneur, donc à son retour, réussit à se faire réélire député en avril 1910, et il entend utiliser le banquet qui est organisé autour de lui en octobre pour se réaffirmer comme le leader des gauches lyonnaises et entamer la reconquête de la mairie. Alors l'usage du banquet comme un lieu et un moment du politique, c'est quelque chose qui remonte à l'antiquité grecque et romaine, hein, c'est un clin d'œil à Virginie, qui se maintient sous différentes formes jusqu'au XXe siècle. On pense notamment, si on saute de siècle en siècle, hein, on peut penser au banquet du faisan de Lille, hein, le 17 février 1454, où le duc Philippe le Bon, duc de Bourgogne, annonce la croisade pour reprendre Constantinople en réunissant tous ses vassaux. Mais bon, c'est quand même sans doute beaucoup plus les banquets républicains qui préparent la Seconde République, qui sont l'inspiration de la pratique du banquet sous la Troisième République, hein, et qui font de cette pratique un élément central, un symbole de la culture des gauches françaises des 19e et du 20e siècle. L'anthropologue Pierre Sansot souligne ainsi que le banquet a toujours été républicain, et qu'il donne l'illusion ou le sentiment de plénitude, de communion. Le banquet, c'est donc d'abord un moyen de se réunir, de se compter, de mettre en scène à usage interne et externe la communion autour d'un programme ou d'une figure politique. Et le banquet républicain donc est un petit peu ritualisé. Emmanuel Furex en résume les principales étapes et caractéristiques. Il écrit que le banquet rassemble dans un lieu généralement privé, ouvert ou fermé, plusieurs centaines, voire milliers de convives, qui ont tous participé à une souscription préalable. Les agapes sont ponctuées de toasts, développés en discours, qui font d'excellentes tribunes politiques. Au partage culinaire, se superpose donc une volonté politique commune, souvent adressée au pays, afin qu'elle devienne un vœu national. Toutes ces caractéristiques font du banquet une réunion politique qui ne dit pas son nom, aux confins du public et du privé, codifiée, planifiée, encadrée. Et une commission de souscripteurs, qui est élue plusieurs semaines avant l'événement, en règle le déroulement concret. Bon, sous la Troisième République, le souci d'éviter la répression et la censure qui caractérisaient les banquets du premier 19e a disparu, et donc il ne reste finalement que cette dimension symbolique et politique. Et choisir le banquet plutôt qu'une simple réunion, c'est revendiquer sa capacité à incarner la tradition républicaine et l'héritage de 48, en mettant en scène l'union des républicains autour d'une personnalité, en affirmant le poids de cette dernière dans le champ politique. Les différentes étapes de la préparation et des agapes permettent ainsi de la composition du comité d'organisation aux places à la table d'honneur, au nombre des convives, d'analyser le poids des organisateurs et de la personnalité autour de laquelle s'organise le banquet, en particulier quand l'ambition est de faire un grand banquet de plusieurs centaines de convives, hein, puisque les différents banquets que j'évoquerai, le banquet aux gagneurs, on est dans des banquets donc, qui vont de alors 400 pour le nombre réel finalement du banquet aux gagneurs jusqu'à plusieurs milliers de participants. Quelle source pour étudier ce banquet et ces banquets d'une manière plus large? Les séries 3M et 4M qu'on a déjà largement évoquées, notamment les rapports de police, d'observation de ces banquets, hein, et la presse aussi, hein, qui a été ma principale source. Dans cette communication, donc, je vais essayer de montrer comment le banquet du 2 octobre 1910 et son échec illustrent la marginalisation de Victor Augagneur par les restructurations du champ politique lyonnais qui sont intervenues en son absence, entre affirmation de la figure d'Édouard Herriot, recomposition des gauches locales, et un contexte qui conduit aussi à l'obsolescence de la pratique du banquet pour mettre en scène l'unité de plus en plus fragile des républicains lyonnais face à un péril réactionnaire qui, lui, est de moins en moins réel. Mon propos se... Ah, non, pourquoi on est à la fin, là? Vous voyez quoi, vous? Ah, voilà. Mon propos, donc, se structurera en trois parties. D'abord, donc, j'expliquerai que ce projet de banquet s'inscrit donc, dans la continuité d'une pratique qui était en vogue dans les années précédentes, mais déjà un petit peu en voie d'essoufflement. Ensuite, que la préparation de ce banquet ne se passe pas sans heurts, ce qui prépare un petit peu l'échec. Et enfin, que cet échec illustre l'évolution des pratiques et des rapports de force dans le champ politique lyonnais. Alors, le projet de banquet aux gagneurs s'inscrit donc dans la continuité d'une pratique qui était en vogue au début du XXe. Augagneur lui-même avait commencé son premier mandat par un grand banquet accueillant Jean Jaurès, dont Catherine Moulin parle d'ailleurs dans son ouvrage sur Jean Jaurès en Rhône-Alpes. Alors, je n'évoquerai pas ce banquet en détail parce qu'il est un peu trop ancien par rapport à ce qui m'intéresse, mais entre 1905 et 1907, le moment de charnière donc, entre les derniers mois de mairie d'Augagneur et puis l'affirmation d'Herriot, la ville de Lyon accueille une série de grands banquets autour de figures de la gauche républicaine, qui se caractérisent d'ailleurs souvent par leur dimension politique et polémique autour de la loi de séparation, qui attisent les tensions entre gauche laïque et droite cléricale, et qui contribuent aussi à légitimer Édouard Herriot, débutant en politique et élu maire à la surprise générale, pour faire de lui le leader des gauches lyonnaises. Alors ces banquets, c'est d'abord des banquets autour des personnalités du bloc des gauches. Le premier grand banquet de la période, hein, c'est le banquet Combes du 3 septembre 1905. Herriot n'est donc pas encore maire, hein, c'est encore Augagneur qui est maire, puisque Herriot était en novembre, mais Augagneur est déjà en train de se mettre un petit peu en retrait, et c'est Herriot qui préside le banquet. C'est un banquet qui réunit environ 2000 convives, selon la presse. Alors les différentes sources parlent de 1800 à 2100 convives. Ce banquet se déroule au Palais de Glace, qui est la patinoire et ou salle de banquet qui était dans le musée Guimet de Lyon, hein, qui a brièvement occupé le musée Guimet de Lyon, qui est une des plus grandes salles de Lyon. Combes donc a été écarté du pouvoir depuis janvier, mais il incarne toujours la gauche du parti radical, son courant le plus laïque, et le courant dont sont membres Édouard Herriot et Justin Godart, les deux jeunes leaders du radicalisme lyonnais. Sont présents au banquet tous les représentants du bloc à Lyon et dans le Rhône, sauf aux gagneurs, et des députés venus de l'Ardèche, de la Loire et de l'Ain. Dans le contexte des tensions qui précèdent la loi de séparation, le banquet est l'objet de polémiques. Hein. La presse de droite s'oppose à la venue de Combes. Je vais aller un peu vite parce que je parle déjà beaucoup alors qu'on est que dans la première partie. Mais la presse de droite s'oppose à la venue de Combes. Et en même temps, les journaux proches du bloc, hein, comme Le Progrès et Lyon Républicain, se félicitent du succès de l'événement. Ce banquet illustre le poids croissant d'Herriot avant même son élection, hein, puisque c'est lui qui accueille Combes, qui va le chercher à la gare, qui l'accompagne jusqu'au banquet, et que, à la table d'honneur, Herriot est placé directement à la gauche de Combes, alors que le député Pierre Colliard, hein, proche de Gagneur, qui est le bras droit de Gagneur, est placé un petit peu plus loin sur la table, n'est pas directement à côté de Combes. Et c'est Herriot qui prononce le principal discours local, hein, à part le discours de Combes, qui est reproduit quasiment en intégralité dans le Lyon Républicain et dans le Progrès. Deuxième banquet, c'est le banquet Clémenceau, le 3 mai 1906, quelques mois plus tard, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives. Clémenceau vient à Lyon, le banquet a lieu à la brasserie Dupuis, 136 boulevard de la Croix-Rousse, qui a ensuite été le cinéma du boulevard de la Croix-Rousse, et qui est une des grandes brasseries lyonnaises construites au 19e, avec une très grande salle, un peu comme la brasserie Georges que certains d'entre vous ont découverte hier. Le banquet a un succès massif, hein, il était prévu pour 800 personnes, et on se retrouve finalement avec 1100 convives, des chaises sont rajoutées à la dernière minute, y compris à la table d'honneur, pour placer les retardataires, et plus de 2000 personnes assistent au discours à la fin du banquet, puisqu'on ouvre les portes pour que des personnes puissent assister debout au discours. Le Progrès note ainsi que Clémenceau a parlé devant près de 2000 citoyens. Le contexte est là encore polémique. D'une part, le bloc est divisé à Lyon avec la candidature de Justin Godart contre Jean-Marie Lansan, républicain, Dreyfusard, ancien ministre de la Marine de Valdec Rousseau. Le candidat de la Fédération républicaine du 1er arrondissement, Louis Reynaud, a fait placarder au lendemain du banquet une affiche visant spécifiquement cet événement et centre toute sa campagne sur le combisme et le risque qu'il représente sur la venue de Clémenceau comme un agent du combisme. Le banquet est directement organisé par la mairie. Hein. Edouard Herriot a annoncé son intention donc, au comité radical du 1er arrondissement de faire une grande manifestation d'unité républicaine, un grand banquet populaire à 3 francs par tête, organisé par la mairie en pleine campagne législative, donc ce qui vaut des accusations de collusion aussi entre la mairie hein, et le parti radical de la part de la droite. Et donc le Salut Public, journal de centre-droit, fait état de violentes manifestations d'hostilité à Clémenceau lors de son arrivée à Lyon. Même si pour le progrès, quelques cléricaux et révolutionnaires se sont associés pour lui faire une réception désagréable et le traiter notamment d'assassin, mais ça n'est qu'une petite contre-manifestation au sein d'un parc. Enfin, sur le long d'un parcours, on crie majoritairement « Vive Clémenceau !». Deuxième phase, deuxième période de banquet qui peut nous intéresser, alors, juste après ça, c'est, j'en parlerai pas en détail, c'est la campagne de banquet que mène Herriot avec le préfet Charles Luteau dans les campagnes lyonnaises pour faire la promotion de l'école laïque. Je vais essayer de respecter le temps, donc j'en parlerai pas, mais le préfet Charles Luteau, qui a été envoyé à Lyon pour faire appliquer la politique du bloc, et notamment la loi de séparation, mène avec Herriot. À Lyon, ça se passe très bien, finalement, les inventaires se passent très bien, et très peu d'affrontements, mais dans les campagnes, la politique de laïcisation est très difficile, et donc Herriot accompagne le préfet dans une tournée de banquets, hein, donc organisée par les amicales des écoles laïques, etc., et... notamment deux banquets hein, sont l'objet de nombreuses critiques de la droite. Justin Godart les évoque dans ses mémoires non publiées. Laurent Bonnevet les évoque dans ses mémoires non publiées. Un banquet du comité radical socialiste de Limonest le 17 février 1907 et le banquet des amis de l'enseignement laïque de Chasselet le 17 octobre 1910 qui sont l'occasion de fortes polémiques dans la presse et avec les élus. Dernier grand banquet, c'est le banquet d'accueil du président Falière. Alors là, c'est une modalité un petit peu différente, puisqu'on est dans un banquet protocolaire officiel qui se tient dans les salons de l'hôtel de ville de Lyon, mais qui réunit quand même là aussi 600 convives, hein, parmi lesquels le Salut Public remarque que toutes les autorités civiles et militaires de Lyon et du département et toutes les notabilités lyonnaises étaient présentes. Les discours s'en tiennent aux mondanités de rigueur, donc il n'y a pas de discours réellement politique, mais c'est un discours qui joue un rôle important pour l'institutionnalisation d'Herriot, disons, hein, qui sort du banquet politique, du banquet polémique, disons, pour un banquet où il accueille le président de la République à Lyon, et donc il s'installe hein, comme un homme politique de premier plan. Par contre, par la suite, la pratique du banquet est quasiment abandonnée, c'est-à-dire, dans les campagnes, hein, on a ces banquets qui sont organisés autour d'Herriot et Luteau, mais à Lyon même, finalement, quasiment plus aucun banquet. Les campagnes des élections municipales de 1908 et législatives de 1910 ne donne pas lieu à des grands banquets hein, avec la venue de personnalités extérieures. Et il n'y a aucune autre hein, visite qui donne lieu à ce genre de pratique. Et puis, ça peut peut-être s'expliquer par le fait que le bloc, qui était très soudé hein, à Lyon jusqu'en 1907, se divise de plus en plus. Déjà, la SFIO a une influence croissante et refuse toute participation active, ce qui prive donc le bloc d'une partie des socialistes lyonnais. Ensuite, les divisions des radicaux et des socialistes indépendants, notamment dans le 3e arrondissement, donc celui de Gagneurs, hein, sont la cause de scissions de comités assez nombreuses sur la période et de candidatures dissidentes. Et donc finalement, le climat n'est plus trop aux grandes manifestations du. C'est pour ça que finalement, dès sa préparation, le banquet aux Gagneurs s'annonce un petit peu comme un échec. Puisque dès l'annonce en septembre 1910 du banquet, plusieurs éléments laissent deviner que des difficultés vont être rencontrées. Alors déjà, le comité d'organisation du banquet ne comporte aucune personnalité majeure de la politique lyonnaise. Le président du comité qui s'appelle Monant est un socialiste indépendant qui s'est présenté en deuxième position sur une liste des municipales du 3e arrondissement en 1919, mais donc sur une liste républicaine socialiste qui refuse le bloc et qui fait un score très faible. Le vice-président est un certain Colomb, dont je n'ai pas le prénom non plus, qui apporte le soutien des radicaux socialistes du 3e arrondissement et l'adhésion pleine et entière de son parti à l'œuvre d'action réformatrice et socialiste de Gagneurs. Mais en fait, il est en rupture totale avec les consignes de son parti et des deux fédérations radicales, et il fait partie d'un de ces petits comités confessions dans la période précédente. pour le secrétaire et le trésorier, qui s'appellent respectivement Faure et Ribaud, je n'ai aucune information, puisqu'ils ont des noms relativement courants et que je n'ai pas le prénom, et donc je ne sais pas qui ils sont. La campagne donc, de souscription est lancée entre début et mi-septembre, je n'ai pas trouvé le lancement de la campagne, elle s'accélère à la fin septembre, mais assez rapidement on se rend compte qu'il y a des difficultés, puisque le 24 septembre, le Lyon Républicain qui soutient le banquet, donc le journal de centre-gauche, publie l'enquête suivante, vous avez un manifestation républicaine et socialiste du 2 octobre, réunion de la commission d'organisation ce soir à 9h précise, salle Faure, rue Moncey 34, au premier étage, urgence. Et en effet, la veille avait eu lieu un retrait de soutien politique important, puisque les services préfectoraux notent que le 23 septembre, la Fédération radicale socialiste, qui est donc une des deux fédérations radicales du département, interdit à ses membres d'adhérer à l'Action réformatrice, qui est l'association proto-parti qui est en train de créer au gagneur, et à ses élus d'assister au banquet organisé autour de ce dernier. Cette annonce, en fait, inaugure une succession de désistements parmi les participants initialement envisagés. Le commissaire spécial, hein, dans ses notes au préfet, indique ainsi, à la date du 29 septembre, que le banquet aux gagneurs a peu de succès en raison des divisions du bloc, avec 400 confirmations contre 800 espérées, que plusieurs comités radicaux veulent demander à Herriot, qui à ce moment-là est en retour de son voyage en Orient, hein, dont il a tiré l'ouvrage La Turquie Nouvelle, donc de ne pas y assister, et que le comité Véron-Pucet du 3e arrondissement, qui est le comité hostile à Herriot, mais qui a un succès assez important dans le 3e, refuse d'y assister aussi. Alors finalement, Véron et Cusset, les deux leaders du comité, seront présents. Donc le commissaire spécial se trompe, mais voilà. Le coup de grâce est donné par Édouard Herriot lui-même, hein, puisque Édouard Herriot rentre à l'avant-veille du banquet après une quarantaine à Naples, puisqu'il avait quitté la Turquie au moment du déclenchement de l'épidémie de choléra de 1910-1912. Il arrive à Lyon, il écrit à Augagneur le 1er octobre, hein, donc la veille du banquet, en lui disant qu'il est vraiment désolé, hein, mais qu'il ne pourra pas participer, même s'il aurait eu plaisir, étant tenu d'assister le même jour, au même moment, au banquet de la Fédération du Commerce. La nouvelle arrive si tard que le Lyon Républicain, le matin de l'événement, publie encore un article annonçant la présence d'Herriot parmi de nombreux invités de prestige. Alors c'est un problème, puisque ça prive le banquet, finalement, de la principale personnalité qui était attendue, hein, parce que le nom d'Herriot était donné en premier. Dernier facteur dans la préparation du banquet, la presse lyonnaise traite ce banquet de manière quelque peu cavalière, entre désintérêt et franche hostilité. L'appel à souscription est publié à 4 reprises dans Lyon Républicain, qui est le seul journal à vraiment soutenir le banquet, les 22, 25, 28 et 30 septembre. Il y a en plus l'annonce de la réunion du comité d'organisation que j'ai évoqué, et puis l'article le plus conséquent est publié le matin du banquet avec l'annonce de la liste des soutiens, mais qui en fait ne viennent pas pour la plupart. Donc on annonce tous les adjoints du conseil municipal, la présence d'Herriot, etc. Mais en fait on verra que ce n'est pas du tout le cas. Et puis on a un long compte-rendu le 4 octobre dans Lyon Républicain qui annonce un succès même si c'est un échec. La presse de droite ne l'évoque même pas, mais de manière plus surprenante, Le Progrès, qui est le principal journal partisan du bloc à Lyon, n'évoque pas non plus le banquet. Il n'y a aucune ligne sur ce banquet dans Le Progrès, sur la période. Et d'ailleurs, aucun membre de la rédaction du Progrès n'est présent, alors que c'était toujours le cas à la table d'honneur dans les banquets, dans les grands banquets précédents. L'Avenir socialiste, organe de la SFIO, verse, lui, dans l'hostilité franche. Le 1er octobre 1910, un article intitulé « Lui », qui porte donc sur Augagneur, lui, point d'exclamation, porte un jugement sans appel. Oui, en vérité, ce sera une grande manifestation, c'est à l'écran. Elle n'aura d'égal que la manifestation de dégoût qu'elle provoquera, qu'elle provoqua chez tous ceux pour qui Augagneur n'est qu'un simple charlatan politique. Et donc, avant même le banquet, finalement, le pari de la grande manifestation d'unité des gauches est un échec. Échec peu anticipé, ceci dit, malgré la réunion en urgence par le comité d'organisation. Vous allez le voir, ce qui illustre la déconnexion croissante entre le camp de gagneurs et le champ politique lyonnais. Le 2 octobre, donc, le constat est amer, c'est un échec. Avec la moitié des convives espérés, le banquet est la cible de moquerie de ses adversaires, et l'absence des leaders de la gauche locale illustre la restructuration du champ politique que j'ai déjà évoqué. Alors d'abord, l'échec en chiffres, je vous ai remis le graphique en ajoutant le banquet aux gagnants. À la salle Gambetta, le 2 octobre, la désillusion est réelle pour les organisateurs du banquet. Le comité spécial retient le chiffre de 430 présents et souligne que les organisateurs attribuent cet échec au boycott des deux fédérations radicales. Le Lyon républicain annonce puis 600 couverts, dont tous les comités élus républicains socialistes de l'arrondissement. On mange pas de pain. L'Avenir socialiste accuse le Lyon républicain d'avoir menti la semaine suivante et annonce donc qu'on annonçait 500 cartes de banquet vendues trois semaines avant l'événement, mais il y avait seulement 339 présents, dont un grand nombre avait été invités à l'œil au dernier moment pour masquer le four. L'article en une est illustré par la caricature de Gagneur en mendiant, hein, tendant un tricorne d'ailleurs à la place de son bicorne d'empereur, et entouré donc de toutes les indemnités que lui reproche l'Avenir socialiste régulièrement dans ses articles. Et puis l'Avenir socialiste parle aussi du gaspillage d'une grande quantité de nourriture, hein, d'un restaurateur qui a été arnaqué par la fédération qui lui a annoncé beaucoup trop de présents et qui a gaspillé plusieurs dizaines de volailles pendant que les petits fours se dessèchent dans les assiettes. Alors le ton moqueur de l'article laisse supposer une certaine exagération, mais quand même, les observateurs s'accordent sur un point, à part au Lyon républicain, l'absence de la plupart des leaders de la gauche lyonnaise, dont la présence était initialement espérée. Alors, l'Avenir socialiste note qu'aucun des invités de marque n'était là. Le Lyon républicain ne dit pas la même chose, mais quand on lit la liste des présents dans le Lyon républicain, on constate bien qu'en fait, finalement, aucune personnalité importante n'est présente. Le seul député est Pierre Colliard, qui est donc le bras droit de Victor Augagneur. Victor Faure, ancien député augagneuriste, est aussi présent, mais il a été battu par le candidat SFIO à l'élection précédente. Un seul adjoint à la mairie centrale, le troisième adjoint Philippe Curtelin, proche de Colliard. 9 élus du conseil municipal en tout, dont 4 radicaux et 5 socialistes autonomes, les 4 radicaux appartenant à des comités dissidents du 3e arrondissement et du 6e arrondissement. À part ça, comme personnalité politique, le secrétaire de la Fédération socialiste autonome du Rhône, celle de Gagneur, le rédacteur en chef du Lyon républicain et des représentants de quelques associations et institutions locales, la Société pour l'aménagement du Rhône, le syndicat d'initiative, l'Union pédagogique. Le bilan est cruel, hein, à l'Avenir socialiste, qui résume donc la présence de personnalités politiques à une demi-douzaine de gagneuristes du conseil municipal de Lyon qui regrettent le passé d'obéissance et de soumission. Donc tout ça illustre la restructuration du champ politique lyonnais, et je vais conclure en une minute, Virginie, ne t'inquiète pas. 30 secondes, minute. La liste est présente, donc, mais plus encore celle des absents, illustre, hein, donc, cette restructuration. Alors qu'est-ce que je dis? Je saute la lettre d'Ario, ça n'est pas très intéressant. Au sein d'une majorité de 42 membres, donc hérité du bloc des gauches radicales et socialistes qui avait été constitué autour de Gagneur entre 1900 et 1904, on a finalement 80% des élus qui ne participent pas. Ces conseillers se rangent donc aux côtés d'Ario. La plupart assistent au banquet du commerce, j'en ai noté au moins une quinzaine. Plusieurs donc institutions boycottent, hein, donc une fédération radicale, le Progrès boycotte aussi, et donc on voit bien une recomposition des gauches qui prive l'ancien maire de la place qu'il occupait à l'aile gauche de la majorité municipale, et ce qui force en fait son glissement, hein, vers la droite progressive, puisque après avoir tenté d'occuper l'interface entre radicaux et socialistes, il va finalement basculer à droite des radicaux. Alors, que dit ? Alors que le retour de Victor Augagneur à Lyon avait été suivi d'un succès prometteur aux élections législatives, le banquet du 2 octobre 1910 montre les limites de cette stratégie en mettant en évidence son incapacité à retrouver une position de rassembleur au-delà de sa circonscription. Que ce soit en se positionnant à la charrière entre radicaux et SFIO, avec la création en 1911 du Parti républicain socialiste, ou en se rapprochant des droites dans les années 1920, jamais Augagneur ne réussit à redevenir un prétendant sérieux à la mairie, se cantonnant à des attaques par voie de presse et à des manœuvres politico-judiciaires contre son ancien protégé. À la différence des socialistes unifiés qui obtiennent à plusieurs reprises la majorité au conseil municipal. L'absence des radicaux et des socialistes au banquet et le soutien du plus centriste des journaux de gauche, le Républicain, quand le Progrès ignore l'événement et l'Avenir socialiste tire à boulet rouge, semble à bien des égards faire du banquet aux gagneurs de 1910 un événement prophétique. La forme de l'échec, l'incapacité manifestée par les partisans de l'ancien maire à en tirer les conséquences, en s'obstinant à annoncer une participation massive et en admettant que partiellement cet échec a posteriori, dont la responsabilité est rejetée sur leurs adversaires politiques, illustre ainsi un changement d'époque dont Augagneur ne semble pas conscient. Au-delà de sa reprise en main des fédérations radicales, l'ascendant qui est pris par Herriot sur les droites lyonnaises et sa capacité à imposer dans un contexte relativement apaisé sa politique laïque rendent en effet dans une large mesure obsolète la mise en scène de l'unité des républicains face à la menace réactionnaire dans une pratique héritée de 1848. Par cette pratique d'un autre temps, c'est donc en homme du XIXe siècle qu'Augagneur est confronté à un échec qui fait écho à une décennie d'écart, à la manière dont lui-même avait écarté son mentor Antoine Gailleton pour s'emparer de la mairie. Merci.